بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أريد أن أصلي في الليل. فإن فما لا بوزي سيت كيستيون ا شيخ العثيمين concernant la salat de la nuit. Donc elle veut faire salat al-layl, لكن طول النهار أكون في خدمة البيت حتى الساعة العاشرة مساء. لكن على ديو الشيخ أن toute la journée elle a des tâches ménagères à la maison, le fait de s'occuper de son mari, des enfants, ça peut durer jusqu'à 22 heures. Mimma yaj'aluni fi halati irhaq shadid. Hada la shak fi. On a cette femme qui se lève tôt et qui a beaucoup de choses à faire, préparer la nourriture, s'occuper des enfants, du mari, la maison, etc. Et ça peut durer jusqu'à tard dans la soirée. Hada ça pousse à l'irhaq. Ah, la fatigue, bel irhaq shadid, une énorme fatigue. Fahal uthab ala niyati. Elle a demandé au shir, est-ce que je serai récompensé par rapport à mon intention? Cette fatwa, on devait la lire dans la conférence qu'on a fait il y a quelques jours sur les causes pour comment fonder une famille heureuse, un foyer heureux. Et j'avais noté cette fatwa et avec le temps, je n'ai pas pu la lire. Enfin, on la lit ensemble aujourd'hui. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال الشيخ رحمه الله: نعم يثاب المرء على نيته إذا اشتغل بما هو أفضل مما ترك. كذلك cette مسألة avant d'expliquer la réponse du Cheikh, on l'a lu ensemble dans l'explication du livre التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. Il y a quelques jours, Cheikh Saadi il avait fait un tambih على هذا, l'importance de النية. فالشيخ العثيمين قال: نعم la femme أو l'homme, المر, ça englobe la femme et l'homme, ils sont récompensés par rapport à l'intention s'ils sont occupés par une chose plus importante. Maintenant, tu as deux choses à faire. Si tu fais une chose, tu ne peux pas faire la deuxième. Dans ce cas, awalan, on comprend de la fatwa du shir, et c'est très très important, tu dois faire passer l'essentiel, le plus important. Maintenant, le cas de cette femme, est-ce qu'elle fait passer la salat de nuit, qui n'est pas obligatoire, qiyamul layl, ou elle fait passer le fait de s'occuper de son mari et de ses enfants. La chèque, elle va faire passer les tâches ménagères et le fait de s'occuper de son mari et de ses enfants avant. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul. Wal mar'a ra'iyatun fi baytiha ou an baytiha. La femme, elle est responsable de son foyer et de son mari et de ses enfants et elle doit s'occuper d'eux. Donc, elle doit faire passer avant. La réponse du shir, si elle fait passer al-afdal, l'essentiel, le plus important avant et elle délaisse l'autre chose qu'elle ne peut pas faire, alors qu'elle avait l'intention de la faire, elle est récompensée. قال رحمه الله: وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها وهي خدمة زوجها في البيت. هذا سان واجب عظيم pour la femme. La femme, elle doit donner de l'importance à هذا. Comme on avait cité dans la muhadara, ce qui facilite à هذا, c'est que cette femme, elle ressent qu'elle est fi ibada. Elle est dans une adoration. C'est pour ça que ces tâches ménagères et cette responsabilité des enfants et le fait de qu'elle s'occupe de son mari dans tous les niveaux, ça passe même avant l'ilm. L'ilm le wajib, la science obligatoire, c'est obligatoire. Elle doit donner du temps, bien sûr. Lakin, madalan, elle veut faire certaines recherches, des choses en plus, alors qu'elle néglige les tâches ménagères. Dans ce cas-là, elle doit délaisser hada l'ilm et s'occuper de son foyer. Et bien sûr, walillahil hamd, la femme, elle aura toujours du temps. Et là, si on vient à réfléchir, à être objectif, on a tous du temps, la femme, le mari, tout le monde a du temps. Lakin, c'est une question de priorité. La femme, elle s'occupe de son foyer, de son mari, de ses enfants. Et si le temps qu'elle a, elle l'occupe avec le khayr, alhamdulillah, elle aura le temps de faire hada et hada. On parle pour l'ilm. On a une autre question par rapport à qiyam layl. Qiyam layl, ça peut être plus problématique. Limada, l'ilm, il faut une certaine forme, une force physique. Si la femme est occupée toute la journée, elle peut être fatiguée après la nuit. ففي هذا الحال قال الشيخ رحمه الله وهو أفضل من أن تتهجد. Dans ce cas, c'est mieux que la salat de nuit. Pourquoi? Parce qu'elle a fait son obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour l'ibada. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et parmi les adorations les plus importantes pour la femme, c'est l'obéissance du mari, s'occuper de son mari, de ses enfants et de son foyer. Enfin, celle qui fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'aura aucun problème fi hada. Ça ne veut pas dire qu'elle néglige qiyam al-layl. قال الشيخ وهو أفضل من أن تتهجد فإذا علم الله من نيتها أنه لولا قيامها بهذا الواجب الذي تخشى أن يكون في إضاعته إثم، فإنه يرجى أن يكتب الله لها الأجر كاملا. Si elle est sincère, elle est véridique, et vraiment si elle n'aurait pas ces tâches ménagères, et elle aurait la force physique de faire la salat de nuit, elle l'aurait fait. Bah dans ce cas, si elle ne peut pas, Allah lui donne la récompense complète. هذا c'est un fadl azim. C'est un exemple, cette fatwa. Et là, c'est valable dans tous les domaines. C'est pour ça que niyyah, c'est important. C'est pour ça qu'avoir cette intention, c'est important. Lakin, pour avoir cette intention, il faut un cœur vivant. Combien de choses on oublie l'intention alors qu'on pourra avoir des récompenses énormes? Combien de choses? Tu mets l'intention, si tu manges, tu mets l'intention pour être en bonne santé, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dors, quand tu fais les courses pour ta famille, tu mets l'intention, tu fais ces courses pour nourrir ta famille, fils abilillah, parce que c'est une obligation pour toi, parce que tu fais tes courses, tu manges, tu dors, tu te déplaces, et tu es fi ajr, du matin au soir, et tu as des hasanat. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فهذه الفتوى c'est un rappel important pour les priorités. Les priorités. Et l'insan s'il ignore, فيسأل, il demande, connaître, خاصة إذا تزاحمت الأعمال. تزاحم الأعمال, ça arrive souvent, tu as plusieurs choses à faire et tu ne sais pas, est-ce que tu fais cela, si tu fais cela, tu vas négliger telle chose. Cette femme, c'est un bon exemple. Elle a posé la question. Elle a posé la question et ça va la reposer. Et bien, idnillahi azza wa jal, elle aura une énorme récompense indallah, subhanah, et kadalik, ça a été un profit pour nous. Enfin, celui qui ne sait pas, il demande et naktafi bihada wa alhamdulillah. La référence, Nourun ala darb de Cheikh Ibn Uthaymeen, les fatwas qu'il lui posait, rahmatullah alayhi. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.